Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Rémi. Salut Rémi, comment ça va? Yo tout le monde, ici c'est Rémi. T'en fais un peu trop, hein. N'oublie pas qu'on est que deux. Hein. Oui, c'est vrai. Bah écoute, moi ça va, super. Des finales, enfin l'affiche des finales est trop belle. Je suis trop content, donc tout va bien. Bah t'inquiète, on va en parler tout de suite. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et on va revenir donc sur les finales de conf, en tout cas l'issue de ces finales de conf. On va commencer à l'Est, les Celtics qui du coup, on l'avait vu sur les deux premiers tours, ont eu une autoroute vers les finales, et ça s'est confirmé face aux Pacers. Victoire 4-0, un bon sweep des familles, même si les Pacers ont été valeureux, on en parlera un petit peu après. Ouais. Mais la blessure de Tyrese Haliburton a fait énormément de mal aux Pacers. En tout cas, ça a été très compliqué pour la fin de la série. Sur les deux derniers matchs, il n'est pas là. Donc c'est, ça a été tendu. Bah, coup, et les Celtics, on en parle maintenant. Ouais, on peut en parler maintenant, tranquille. Ouais, mais voilà. Tyrese Haliburton, non seulement c'est ta pierre angulaire, c'est ton joueur star en fait dans l'équipe qui fait clairement tourner toute l'attaque. Et les Pacers sont une équipe d'attaque, donc c'est très compliqué quand ta pièce principale n'est pas là. Et en plus, le coup au moral fait très mal. Enfin, pour toute l'équipe, quand tu vois qu'il sort comme ça, c'est compliqué. Tu sais qu'en fait, tu ne pourras pas gagner la série, donc le moral est au plus bas. Donc, ils ne déméritent pas parce que dans le score, ils prennent un 4-0, mais dans le score, c'est pas non plus comme s'ils prenaient des tôles à 30 points. Ah bah non, c'est clair. Magnifique saison de leur part, parce qu'on les voyait pas en finale de conf, mais ouais, petite déception sur la façon dont ça se passe, on aurait aimé que Tyrese dure plus longtemps, et qu'ils aillent arracher un ou deux matchs, ce qui aurait pu être jouable. Bah ce qui aurait été jouable, je pense, hein, clairement, ils ont été embêtants, il a fallu des actions décisives, défensives, notamment de Jrue Holiday pour arracher des victoires. C'est le game 2, hein, où il fait une interception incroyable. Ouais, il me semble que c'est le game 2, ouais. Dernière seconde, et au game 1, ça part en prolongation sur un shoot miraculeux. Un shoot très très compliqué de la part de Jaylen Brown, sinon les Pacers auraient pu accrocher ce game 1. Ouais. C'est clair, ou un temps mort pas pris aussi, ça peut être ouais, ça aussi l'excès. C'est vrai que Rick Carlisle est un peu chiant à l'école là-dessus, on en avait déjà parlé je crois dans le dernier épisode. Ouais, on va pas s'attarder là-dessus. Ça aurait pas changé la série en soi. Clairement pas. Mais voilà, une petite victoire d'Indiana, potentiellement une deuxième, ça aurait fait un petit regain au moral et tout, ça aurait été chouette, ça aurait donné des Celtics un peu plus fatigués, un peu moins en forme pour les finales aussi. Aussi, parce que là, pour le coup, ils ont perdu que deux matchs, donc c'est vraiment... C'est vraiment chemin tranquille. Hein. Ah bah là, oui. Mais ils sont en randonnée. Hein. Voilà, ils sont en randonnée et pour le coup, ça se passe super bien. Pour eux, en tout cas, je vois pas comment ils peuvent... Bah, en fait, ça a servi aussi de fenêtre de repos pour Porzingis aussi, qui du coup sera là pour les finales NBA. Donc ça, c'est bien pour eux. Je reviens juste vite fait sur les Pacers avant qu'on parte sur les Celtics. Moi, je trouve ça juste dommage du coup qu'on n'ait pas eu vraiment... Bon, on a eu une belle campagne de playoff, mais je veux dire que Tyrese se soit blessé. Je trouve que c'est dommage, sachant qu'en fait, tu perds Siakam à la fin de la saison parce qu'il est agent libre. Et cette équipe au complet, elle pouvait faire mieux, on le sait. Du coup, c'est juste un petit regret. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas payé plus. Et, ouais. Et pour le groupe, pour la fin de la saison, c'est dommage que ça conclue pas, même si tu prends un sweep, je trouve ça hyper sévère après ce qu'ils ont montré. Donc ouais, c'est un peu d'accord. Dommage. Après, ça reste quand même un sweep encourageant. C'est pas le sweep où. Genre, c'est pas le même sweep que Phoenix a pris par. Ah bah non! Par Minnesota, c'est clair. C'est pas le sweep de on sait que tu peux gagner, mais au final, tu te fais arracher le cul. C'est on savait que t'allais perdre, tu prends un sweep mérité, j'ai envie de dire, mais dans lequel t'es pas déconnant. Donc c'est ok. C'est ça. Sachant qu'on te voyait pas en finale de conf, je le répète. Hein. Il y a ça. Dans les brackets des gens, il y a très très peu de brackets où les Pacers sont en finale de conf. Et le fait d'y attendre, c'est déjà un exploit. C'est clair, l'exploit il est magnifique, c'est vrai. Et en plus, pour Tyrese, c'est une blessure, c'est pas une grosse blessure, on sait qu'il sera là début de saison prochaine, c'est pas un souci. Oui, mais c'est un truc qu'il avait déjà traîné saison. C'est l'adducteur où il avait déjà raté quelques matchs en janvier ou février. Ouais, il avait loupé 10 matchs en janvier. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Enfin bref, voilà, dommage pour les Pacers. On attend une confirmation l'année prochaine avec ce groupe qui changera un petit peu certainement, mais il y a quand même les cadres qui seront là. Il y a moyen qu'ils confirment davantage. Donc c'est cool. Voilà. Absolument. Très encourageant. Je te propose qu'on fasse la finale de conf de l'Ouest, comme ça ensuite on enchaîne sur la finale NBA. Du coup, on s'était quitté, il me semble, sur un Mavs Timberwolves avec 3-0 pour les Mavs, ou 2-0 peut-être. Ouais, peut-être. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. C'était déjà une très belle surprise à ce moment-là parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit une finale de conf autant à sens unique. C'est clair. On avait mis en lumière sur la preview que Minnesota était une équipe qui pouvait s'adapter plus facilement. Et en fait, on a vu qu'ils n'ont pas su trouver les solutions face aux Mavs qui ont été tranchants et magnifiques en Kyrie Irving sur les fins de match et Luka sur toute la série qui est incroyable. Luka qui a été fantastique, hein, vraiment. Stade de la série, 32 points, 9,6 rebonds et 8,2 passes. Les pourcentages sont très corrects. Il n'y a que deux joueurs qui dans l'histoire qui font une série de playoffs à plus de 30 points de moyenne. Pas une série de playoffs, mais qui sont à plus de 30 points de moyenne sur les playoffs de manière générale. C'est du coup évidemment Jordan qui est à 33. Et il y a Luka Doncic qui arrive à 31. Pour le moment, il a 31 points de moyenne sur tous ses playoffs. C'est pas mal. Et t'es sûr qu'il n'y a que deux joueurs ? C'est que ces deux-là. Ouais. Ouais. Tous les autres, il y a des très gros scoreurs, mais les autres sont en dessous de la barre des 30. Ok. Ouais, putain, ouais. Dans ma mémoire, Wilt ou ce genre de mec pouvait être au-dessus. On parle peut-être de l'ère moderne. Peut-être que c'est depuis. Peut-être que cette stat elle date que des années 80 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Ok, mais en tout cas, très belle perf, bien sûr. Bah ouais, absolument. Absolument. Dallas qui menait 3-0. Au game 4, regain d'énergie pour les Wolves qui s'imposent à l'extérieur. Et qui prennent du coup ce match à Dallas, 105-100. Là, on se dit, t'as sauvé l'honneur. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé parce que sur le Game 5, c'est une démonstration. Le cas, encore une fois, qui est beaucoup trop fort. Ah, bah oui, c'est clair. Pendant la preview de cette série, moi, je pensais qu'il y avait vraiment des problèmes défensifs côté Dallas, notamment pour gérer Anthony Edwards, parce qu'ils n'ont pas de joueurs à mettre sur ce mec-là. Et en fait, dans la rotation d'équipe, ils ont réussi à le gérer, notamment par les efforts qu'ont fournis Kyrie et Luka, parce que ce n'est pas du tout les meilleurs défenseurs, mais ils font vraiment les efforts pour maintenir un niveau défensif plus que correct. C'est surtout qu'en fait, ils l'ont forcé, entre guillemets, à jouer loin. Ouais. Et ils lui ont souvent bloqué la raquette et du coup il s'obstinait à prendre des tirs à 3 points et on sait que c'est pas forcément sa force principale. Donc tactiquement ils ont fait le choix de lui fermer la raquette, ce qui est très intéressant, et au final ils ont pas su trouver des solutions. Karl Anthony Towns, lui, tous les tirs ouverts qu'il a eu et qu'il a loupé, ça a été compliqué sur toute la série. Donc ça fait vraiment mal. Défensivement, on a eu les limites de certains, Mike Conley par exemple, qui avait pu amener sur les deux tours précédents, mais au final Kyrie en face est beaucoup trop dur. On a eu totalement une déroute côté Minnesota, c'est même décevant, je trouve. Ouais, ça gâche un peu ce qui s'est passé parce qu'après la série face à Denver, pendant la série Denver-Minnesota, il y en a plein qui disaient comme quoi l'équipe qui sortait de cette série était l'équipe qui allait en finale et même qui allait gagner le titre au vu du niveau de la série. Et un peu déçu, un peu même frustrant de voir Minnesota s'incliner comme ça. On pensait qu'il y avait davantage de répondants, davantage d'adaptation, en fait, et pas du tout. L'adaptation s'est fait entièrement côté Dallas. On a un Jason Kidd qui nous sort un coaching extraordinaire parce qu'il nous fait les rotations bien comme il faut, les systèmes bien comme il faut pour s'adapter au jeu d'en face et du coup qui entièrement maîtrisait la série face à Minnesota sans problème. C'est clair, ça a été la bataille des coachs. On n'aurait pas cru que ce soit Jason Kidd qui la gagne, et pourtant. Non, c'est vrai. Ouais. Un autre aspect qui m'a vachement surpris. En fait, ça semble logique, mais auquel j'avais pas du tout pensé pendant la preview. C'était en général, il y a un facteur qui est assez flagrant quand une équipe va loin. C'est la gestion du tempo, la gestion du rythme. Et en fait, les deux génies que sont Luka Doncic et Kyrie Irving permettent de gérer, en fait ils ont entièrement géré la tempo de la série, et Minnesota n'a pas pu faire autrement que de suivre cette tempo là, et ce qui fait que si tu rentres dans le jeu de Dallas, tu te fais manger parce que les mecs sont trop forts. Pour casser ce rythme. Et comme tu dis, en plus, ils ont, avec ces deux meneurs là, entre guillemets, ils ont le moyen de soit jouer très vite parce que ça galope, ou alors de jouer demi-terrain parce que en fait Kyrie il est intenable et que Luka il lit tout ce qui se passe sur les écrans et qu'en fait il trouvera forcément la passe à faire. Comme tu dis, ils ont mis la main sur le match, et quand ils ont voulu accélérer, ils ont accéléré. Il n'y a jamais eu de contrainte côté côté Wolves. Et en fait, une fois que tu as gardé le rythme et que en plus de ça, tes joueurs rentrent les tirs et que tes leaders sont présents, répondent présents, chose que Minnesota n'a pas eu, parce que peut-être qu'à des moments, Minnesota a eu les opportunités pour mettre en difficulté les Mavs, sauf qu'en fait, les tirs rentraient pas. Ouais, c'est ça. Et puis, les leaders s'effacent aussi. Le match qu'ils auraient pu accrocher, au final, t'as Luka Doncic qui te met un buzzer sur la gueule du défenseur de l'année, Rudy Gobert. Voilà, par compliqué exemple. Compliqué pour lui de défendre sur un mec comme Luka Doncic, hein. Attention, je veux pas tirer une balle perdue sur Gobert. Non, Mais voilà, le match que tu peux accrocher, t'as Luka qui te punit à la dernière seconde parce qu'il en est capable et trop fort. Enfin, sur cette action, j'avais bien aimé l'angle de caméra qui était dans le dos de Doncic, et en fait, on voit que sur l'écran, il me semble que c'est McDaniels qui change, ouais. Du coup. Et au moment où il y a le switch, parce que tu vois coup, sa tête c'est... de... Ouais, ah, c'est non. Exactement. Ah, merde. Oh, on est dans la sauce. Il a expliqué ouais, donc, en conférence comme quoi c'est parce qu'en fait, il aurait voulu être sur Luka, parce que Luka, il avait déjà mis un buzzer il y a quelques années, il y a quelques temps, et du coup, qu'il aurait voulu être sur l'action de Luka pour le contester. Mais en tout cas, dans la vie populaire, c'est parce qu'on sait très bien que Luka face au Gobert, il va le faire danser et qu'il va y mettre le 3 points ah bah, sur la gueule. Ouais, et c'est ce qui s'est passé. En vrai, c'est exactement ça. Après, le choix de drop sur cet écran-là, sur un moment aussi décisif, je ne suis pas certain que ce soit le bon choix. Bah, il se comprend, parce qu'en fait, si tu fais une erreur de switch sur l'écran, on sait que Luka va trouver la passe pour que derrière, il y ait un lay-up facile. Donc le ouais. Switch, je comprends. Et Gobert, en soi, il peut tenir un mec comme Luka en difficulté à 3 points. Il peut le faire. Moi, j'aurais fait en sorte de step pour pouvoir forcer un drive de Luka, quitte à ce qu'il ouais. lâche la balle et que ce soit un autre joueur qui prenne le tir. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Plutôt que de lui donner toutes les cartes en main pour qu'il mette ce tir. Enfin bref, on va pas s'attarder ouais. là-dessus. Mais évidemment, bah en fait, du coup, les Mavs ont géré la série. Et en fait, il y a un truc tout clair et qui résume un peu la dynamique. Sur le dernier match, t'es à la maison pour les Wolves. Et au premier quart, tu prends un 35-19. T'es pas dedans. Et tu cours après tout le match. Et Dallas, ils sont très très bien dedans aussi. Il y a ça aussi. Il y a les deux. Donc voilà, décevant pour la saison des Wolves, même si une finale de conf reste encourageant si on prend un peu de recul. C'est dommage de sortir sur un 4-1 sévère comme ça, c'est sachant que on sait que tu aurais pu faire une meilleure série en fait. Donc, ouais, mais bravo aux Mavs, du coup, qui iront en finale défier les Celtics. Playoff incroyable pouvoir, de la part des Mavs. Hein. Ah bah oui, parce que pas l'avantage du terrain sur toute la série de playoffs. Ils sont 6e. Ils sont 5e. Cinquième. Le premier tour, c'est face aux Clippers qui étaient 4e. Ils sont 5e, pas l'avantage du terrain des playoffs. Et ils se sont battus, on en reparle là, à la différence de Boston qui a eu un chemin un peu plus facile avec des équipes notamment plus faibles et notamment pas mal de blessures en face. Pour le coup, Dallas, ils ont sorti les Clippers, du coup, qui étaient quand même une grosse équipe qui était, bah, par exemple, je les voyais aller vachement plus loin. Malheureusement, ils ont perdu. OKC, qui ont été premiers de conférence, qui avaient vraiment une très grosse équipe. Et on a vu que pour Dallas, c'était pas si simple que ça. Et Minnesota, pareil, la meilleure défense de la ligue. Non, Dallas qui sort une campagne de playoff, à mon sens, extraordinaire. Magnifique, magnifique. Ouais. C'est clair. Ouais. Du coup, on va pouvoir entamer la preview. Je te laisse la main. Est-ce qu'on fait un petit avis général ou est-ce que tu veux détailler équipe par équipe quelles sont les forces et les faiblesses potentielles? On peut détailler un peu, ouais, absolument. Moi, ça me va bien. Pour détailler, tu sais quoi, je te lance dans le flow du sujet, là, dans le vif. Est-ce que tu peux me donner, selon toi, dans l'ordre, les 3 meilleurs joueurs de la série? Déjà, il y en a 2 côté Mavs. Ouais, mais comment est-ce que tu les classes? Alors. Et encore, il y en a 2 côté Mavs, ça dépend, enfin. Eh ben attends, je te donne mes paramètres. Ouais. Ça dépend des avis de chacun, hein, parce que tu vois, il y a Jaylen Brown, c'est pas normal qu'il soit pas dans la discussion. Si tu me parles des moments importants, quand on parle quatrième quart-temps, par exemple. Je parle le joueur global. Hein. Ouais, mais moi, je te dis, c'est là où ça compte. Et ouais, en fait, Kyrie passe devant Jaylen Brown tous les jours sur un moment décisif. Pour moi, j'ai envie de mettre Luka en premier. Ouais. Je mets Tatum en deuxième, parce okay. que même si on dit que ça a été une promenade de santé pour les Celtics, ce que fait Tatum sur ses playoffs, c'est monstrueux. Ça arrête Jason Tatum, bien sûr. Et ensuite, je mets Kyrie. Ok. J'en ai vu pas mal sur Twitter, enfin sur X maintenant ou autre, qui dans l'ordre mettent Luka. Donc Luka apparaît toujours en 1. Déjà, moi, je... Je suis d'accord avec ça, mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de monde qui mette Jason Tatum devant. Et il y en a beaucoup qui mettent Kyrie aussi en deux. Devant Tatum. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un manque de crédit pour les joueurs des Celtics. Parce qu'on sait très bien que Jason Tatum et Jalen Brown sont vraiment des très gros joueurs. Mais je trouve ça assez étonnant qu'il y a un manque de crédit comme ça côté Celtics. Et non seulement c'est à eux de fermer des bouches là-dessus, clairement. Ouais, c'est clair. Mais il y a aussi un côté, les gens n'ont pas tout à fait tort non plus. Ce que je veux dire, c'est que bah, j'en ai déjà parlé de Boston, notamment au second tour face à... premier tour, c'était face à Miami. Deuxième, c'était face à qui déjà? C'était les Cavs. C'était face aux Cavs. Moi, je trouvais que leur jeu était un peu brouillon. Il l'était moins face à Indiana. Jouer que du 1 contre 1, etc. Après, c'est leur force, hein, vu tous les talents qu'ils ont. Mais du coup, je l'entends. Que Kyrie puisse passer en deux dans la vie populaire de certains. Et du coup, ça me fait un peu peur pour les Celtics, ce genre de truc, parce que ça devrait pas. Ça devrait pas. Bah, en fait, c'est un peu... Comment dire, ton inquiétude, je la comprends à partir du moment où le gars qui a gagné le trophée du meilleur joueur de l'Est n'est même pas sur le podium de ces joueurs-là, tu vois. Ouais, typiquement, ouais. Ouais. Donc, c'est censé être du coup Jaylen Brown qui a fait la meilleure finale de conférence, ou en tout cas, entre guillemets, la meilleure campagne de playoff jusque-là côté Celtics. Maintenant, c'est est-ce que Tatum reprend ce lead? Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Bah, il faut qu'ils prennent le lead. Cas... En fait, il faut que le meilleur joueur de la série, si Boston veut gagner, il faut que le meilleur joueur de la série soit Jason Tatum et pas Luka Doncic. Oui, c'est ça, exactement. Et que Jaylen Brown gagne son duel face à Kyrie. Ouais, c'est ça. En termes de et pas forcément dans la production, hein, mais vraiment dans l'impact et tout quoi. Dans l'impact défensif, on sait que Jaylen Brown est capable. Ouais, parce que la ligne statistique, ça va être compliqué d'aller chercher Luka Doncic, hein, faut pas se leurrer. Mais, mais vraiment dans l'impact défensif, dans les choix également, il faut que Jason Tatum prenne le lead, soit le vrai capitaine de ces Celtics, et qu'il les emmène jusqu'au bout s'ils veulent gagner. Chose sur laquelle on peut douter côté Celtics, chose sur laquelle j'ai aucun doute côté Mavs, parce que Luka, il le fait déjà parfaitement bien. Moi, ce que j'ai identifié comme une stat entre guillemets clé, ça va être la gestion de tout ce qui est perte de balles, etc. On a un peu en opposition de style, on a deux défenses qui s'articulent assez différemment. Mais malgré tout, je pense que Dallas pourra et saura jouer beaucoup plus propre en termes de choix et notamment de comment la balle bouge et aussi comment tu gères ces turnovers-là. Je pense que Dallas a l'expérience en Kyrie Irving et Luka parce que c'est un magicien, que peut-être Jrue Holiday n'a pas la qualité de passe non plus. À des moments, tu vas te retrouver dans un match où en fait, bah, Kyrie, il a beau être défendu par Jrue Holiday, il va savoir faire la différence. Et de manière très propre, on sait qu'il est très bon dans ses quatrième quarts depuis le début des playoffs. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on sur un match serré, sur un match à égalité par exemple, et qu'il reste 2 minutes, et ben je vois très peu de moyens où pour les Celtics. Où les Celtics en fait, bah, outcoach ou passent d'intensité par rapport aux Mavs. Eux qui savent jouer très propre, aller chercher les lancers et faire une différence plus que collective. Là où on a vu les Celtics jouer pas mal en iso et perdre un peu leur identité qu'ils avaient eue sur la saison régulière. Ouais, absolument. Je suis d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Sur un match serré, je suis d'accord que Dallas, pour moi, a son avantage parce qu'ils gèrent bien mieux les fins de match. Et puis, ils ont des dangers en termes de clutchitude qui sont trop importants en Luka Doncic et Kyrie Irving. Et surtout, on a eu les séries où ils ont montré, en fait, depuis le début des playoffs, que ces moments-là, ils savent les gérer. Là où les Celtics ont tellement été sauf sur la finale de conf, où c'était plus serré, mais je veux dire, ils ont été plus en gestion globale, parce qu'en fait, ils avaient une avance certaine et qu'ils étaient foncièrement plus forts que leur adversaire. Là où les Celtics, je te rejoins sur ce que tu dis, hein, là où les Celtics, ils veulent éviter ce genre de situation, il faut mettre la tête sous l'eau de Dallas dès le début, avoir un... Tu es au milieu de quatrième quart-temps, t'as 20 points d'écart, là tu t'assures de gagner le match. Et c'est ça, c'est les choses qu'ils n'ont pas faites des playoffs. Tous les matchs qu'ils gagnent dans les playoffs, ils les gagnent pas en mettant des 20 ou des 30 points. Ils les gagnent avec 10 points d'écart et tout, ils les gagnent, hein, ça c'est pas le souci. Mais ils les gagnent pas en mettant l'adversaire sous l'eau. Et Dallas, si tu les mets pas sous l'eau dès le début, ça va être très très compliqué de gérer. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Effectivement, pour moi, la clé, c'est comment Boston arrive à maintenir Dallas en dessous en termes de points. Après, et pour ce qui est des pertes sur de un match serré, sur un match serré, Dallas gagne, je pense. Sur ce qui est des pertes de balles, je rebondis là-dessus. L'inverse est vrai aussi, hein, parce que le duo défensif sur les extérieurs, parce que la vraie menace, hein, c'est à l'extérieur, hein, côté Dallas. Bah, côté Dallas, ça c'est sûr. Mais le côté belle analyse. Ouais, c'est une analyse facile. Mais le duo défensif qui est Derrick White et Jrue Holiday, c'est un vrai duo défensif. Les deux sont dans des defensive teams, à juste titre, parce que ils sont clairement trop forts en défense. Et du coup, ils vont pas donner la tâche facile à Kyrie et Luka. Il va pas falloir se rater sur les passes ou sur les dribbles. Parce que Jrue Holiday aime bien venir chipper des ballons sur des dribbles. Bon, après, attention, hein, Luka, normalement, il dribble pas trop mal. Et Kyrie non plus, d'ailleurs. Mais attention à pas faire des erreurs un peu bêtes. Jrue Holiday, il peut te punir quand il reste 4 minutes pour aller chercher le layup qui te cloue. Ça peut arriver aussi. Ça peut. Moi, je pense qu'il y a plus de chances où Dallas gère ce. Normalement, Dallas devrait gérer, je suis d'accord. Mais attention à ne pas les sous-estimer, quoi. Ah oui, bien sûr. À la limite, tu vois, si Dallas ne gère pas ce genre de problème, ce serait au moment où, en fait, Kyrie ou Luka lâchent la balle. Et ça se retrouve dans les mains de je sais pas qui bégaye ou qui fait une erreur de jugement, qui va driver alors qu'il n'y a pas besoin, ce genre de choses. Je pense pas que si tu donnes la balle à tes leaders, si eux prennent la décision de l'action. Je pense pas qu'il y ait de gros problèmes à côté, enfin, respectivement en fait des deux côtés d'ailleurs. Mmh. Ouais. Parce que fin de match, c'est pas Jrue Holiday qui va mener, hein, ça va être Tatum ou Brown qui va avoir la balle, certainement Tatum d'ailleurs. Pour toutes les situations clutch, il va falloir que les mecs soient comment dire, enfin prêts à, en tout cas à agir et préparer à toute éventualité. D'ailleurs, comment tu fais défendre Dallas face aux Celtics, toi? Comment tu fais défendre Dallas? Ouais. En poste par poste ou qui c'est que je mets sur le terrain, tu veux dire? Ouais, c'est genre Tatum, tu mets qui dessus? Derrick Jones Jr. Ouais, plutôt parce d'accord que, avec ça. Parce que athlétique, parce que le mec va le fatiguer, il va pas y donner la tâche facile et ça. Enfin voilà. Limite, faut envoyer du monde presque pour faire une boîte en fait sur Tatum pour vraiment lui rendre la vie compliquée, le fatiguer, etc. Je le vois. Brown, donc, du coup, tu mets Derrick Jones Jr. Sur Brown, c'est compliqué. Ah ouais, putain, tu poses une colle là. Eh bah oui, c'est très compliqué à gérer ça aussi. Ah ouais, ouais, grave. Là, sur Brown, je sais pas. Alors attends, bouge pas. Tu mettrais qui, toi? Et bah, la question en fait, c'est parce que si tu veux forcément, t'auras Kyrie et Luka sur le terrain dans les moments où ça compte. Ouais. Alors, comment tu les fais défendre les deux? Parce qu'on sait que c'est pas des génies. Bah non, ça c'est sûr. Je pense que typiquement Kyrie va défendre sur Derrick White parce que c'est des tailles à peu près similaires et ça correspond bien. Et je serais pas surpris que Luka défende sur Jrue Holiday. Parce que pareil, les tailles sont similaires et Jrue, attention, hein, c'est pas un mauvais attaquant, mais c'est la menace offensive la plus soft côté à gérer pour Luka. Ok. Et du coup, je pense que c'est le mieux à gérer pour Luka. Même si, à vrai dire, c'est ça va être le collectif, tu vois. Si t'as un 1 contre 1 de Jalen Brown sur Luka, t'as envie d'échanger pour que ce soit un autre mec qui vienne défendre dessus. Et t'as, du coup, t'as pas envie de te faire prendre un contre 1 sur Luka Doncic. Donc, dans ta configuration, qui défend sur Brown après? PJ Washington. Roland, mec. Il a des longs bras, il peut. Je sais pas. Ou alors, faut changer, tu mets PJ Washington sur Tatum. Parce que peut-être un peu moins flashy que Brown. Brown va peut-être plus prendre de vitesse Washington. Et du coup, t'envoies Derrick Jones Jr. sur Brown. Ouais, ça se tient. Et la raquette Horford de Porzingis est défendue par Gafford façon, la raquette, ce sera Gafford, Lively. Et Lively, voilà. Mais c'est vrai que pour les gestions des postes 3, parce qu'en fait, Tatum et Brown, c'est un peu des postes 3. Tatum, il est 3-4, Brown, il est 2-3. C'est vrai que c'est un poste un peu compliqué pour défendre côté Dallas. Ouais, je te rejoins absolument. Donc après, on aura certainement des rotations défensives intéressantes de Jaden Hardy. qui peut apporter, que ce soit sur Giroud, jusqu'à Brown aussi, d'ailleurs, et White. Ouais, j'allais le dire, Jalen Hardy peut apporter des minutes, mais Jalen Hardy, il va pas jouer 30 minutes en défense, quoi. Non. Par contre, il peut faire souffler pendant un petit moment, quand même. Ça, c'est pas un souci. Donc tu vois, pour moi, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, Dallas va avoir beaucoup plus de travail défensif. Ah bah c'est sûr, de toute façon l'attaque des Celtics c'est impressionnante, c'est une des meilleures attaques depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais c'est surtout que le gros souci c'est que la menace elle vient de partout. Elle vient de partout, mais c'est surtout que en fait si tu regardes défensivement chacune des équipes, et ben en fait Boston est presque plus adapté pour défendre sur toute l'équipe de Dallas. En fait, alors que Boston, Dallas a plus de difficultés à gérer ça, tu vois. L'avantage qu'à Boston c'est qu'ils ont toutes les cases de cocher en termes d'attaque et de défense. C'est-à-dire que tous les mecs qu'ils ont défendent bien, déjà. À part Porzingis, qui n'est pas un très gros défenseur, mais il est grand, il protège l'arceau, c'est le seul taf qu'on lui demande. Et ça va, il le fait. Enfin, c'est une arme de dissuasion, quoi. Ouais. Qui, voilà, il coche la case. Et en plus de ça, ils n'ont pas un pivot suffisamment bon pour attaquer en 1 contre 1 sur Porzingis. Ouais, donc pour le coup, ça va être donc ça, c'est pas gênant. Une bonne idée. Ouais, à la rigueur, ce que t'as envie, Porzingis, en fait, ça va être la cible, justement. Tu vas tenter de faire des switches pour que Luka se retrouve face à Porzingis et le punir. Et le punir ou lui faire faire des fautes, parce que tu sais que si t'emmènes à l'Orford, même si peut-être qu'il défend mieux le cercle, il reste plus lent et du coup plus facile à attaquer pour les extérieurs adverses. Ouais, absolument. Mais après, sur tous les autres postes, c'est compliqué, parce qu'ils ont des armes défensives de partout et la menace offensive, elle est également de partout. Donc en fait, ils cochent toutes les cases là-dessus, Boston. Sachant que, comme tu dis, Porzingis, il prend des fautes, t'envoies Al Horford, et en vrai, je suis pas en PLS si c'est Al Horford qui vient switcher sur un mec. Tu vas prendre des shoots de Luka Doncic sur la gueule de Al Horford, oui, mais c'est pas non plus un mauvais défenseur, tu vois. C'est pas comme si c'était un plot qu'il allait regarder shooter. Non, même si on arrive donner, sur la... Il va quand même le fatiguer. Même si on arrive sur les dernières années de notre cher Al, grand respect à ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Et il va savoir gérer quand même, ou en tout cas faire les bons choix, parce que c'est un joueur très propre et très intelligent. N'est-ce pas les Sixers? Vas-y, je t'en prie. Ah bah, du coup, moi, je voulais aussi voir, du coup, parce qu'on a dit qui était le meilleur joueur, entre guillemets, sur le papier de la série. Maintenant, quel genre de Factor X tu verrais? Un Factor X, t'en as deux très importants côté Boston, c'est Jrue Holiday ou Derrick White. Parce que si t'as un de ces deux mecs qui fout un match à 30 points... Ou même 20. Ouais, 25. Ou même 20, ouais, bien sûr. Mais on sait très bien que ces deux mecs-là, ils peuvent... s'ils prennent chaud, on sait qu'ils peuvent monter un peu plus haut, quoi. Ouais. Ça va être ça va être trop compliqué côté Dallas, parce qu'ils pourront pas défendre sur autant de menaces offensives. Et s'il y a un de ces mecs-là qui prend la confiance, qui prend feu... C'est la victoire côté Boston, elle est quasi assurée et c'est une menace c'est un vrai potentiel, quoi. Mais je sais pas dire si c'est un facteur X. Côté Dallas, t'en as un, toi, ton facteur X côté Boston? Côté Boston, ouais. Un Poyton Pritchard en sortie de banque qui colle. Ouais, ça peut arriver. Je lui demande même pas 20 points. Ouais, non, pas 20 points, mais même 15 même points à 5 sur 9, à 3 points. Même le 10 points, tu sais, à 3 sur 4 avec un lancé, une connerie, ce sera déjà une belle avance. Et aussi, si Al Horford retrouve la mire, ce sera hyper impressionnant aussi. Parce que, en fait, on sous-estime clairement en fait, à Boston, t'as 7 joueurs qui peuvent te punir. Là, complètement. Côté Dallas, t'as peut-être moins de mecs tranchants sur qui vraiment compter. En factoriste, côté Dallas, tu peux avoir un PJ Washington, un peu comme il l'a fait face à OKC, où il sort des matchs à 28 points parce que les shoots rentrent. Et parce que PJ Washington, quand il a un shoot dans le corner, en fait, il rentre tout. Et donc, s'il arrive à se faire un peu oublier, tu sais qu'il aura la balle parce que Luka le verra, parce que Kyrie le verra. Donc ça peut faire pas mal. Moi, je vois Derrick Lively, côté... Côté Dallas, il fait une campagne de playoff de fou. Et surtout, en fait, là où il va être hyper important, je ne parle pas forcément de marquer des points, mais ça va être dans tout ce qui est sécurisation du rebond. On sait qu'athlétiquement, les Celtics domineraient Dallas. Celtics qui prennent très très peu de rebonds offensifs dans la gueule. Hein. Ouais, et en fait... Ça va être très compliqué pour Dallas. Et en fait, si Boston attaque, il ne faut pas du tout qu'ils aient de seconde chance. Donc t'as intérêt de sécuriser le rebond de manière hyper rigoureuse, parce que sinon t'es sûr quasiment de perdre le match. Ah bah tu peux être sûr que Gafford et Lively vont avoir une mission de fou furieux là-dessus. Tu vois, Derek Lively sur la série face aux Wolves, il tourne à 9 points, 8 rebonds, et bah je lui demande, allez, mets-moi 10 points, je m'en fous. Par contre, bah en fait, si t'arrives à monter à 10 rebonds, mec, tu fais un taf incroyable. Ouais, absolument, ouais. Ouais, puis en plus de ça, face à Minnesota, il a aussi mis quelques blocs par-ci par-là pour protéger. Ah bah défensivement, c'est un bon défenseur. S'il arrive à les caler, c'est parfait. Ouais, c'est clair. C'est complètement parfait. D'accord. Donc j'espère que sa confrontation face à Rudy et à la raquette des Minnesota, même s'ils ont pris 4-1, reste une raquette costaud et il a su tirer son épingle du jeu. Là, il y a peut-être moins de viande à ce niveau-là et c'est à lui de s'imposer. Ouais, je te rejoins. Donc voilà, en facteur X. Et après, bon, j'aimerais bien que... Tu vois, on parlait d'une rotation à 7-8 joueurs côté Celtics qui serait capable d'être dangereux. J'aimerais bien que un des joueurs, comme que ce soit Jaden Hardy ou Derrick Jones Jr., quoique, j'en sais rien, même peut-être Josh Green, arrive à peser aussi pour élargir justement cette capacité offensive. Parce qu'en fait, on voit... Il n'y a que le 5 majeur, si ce n'est un 6e, allez, si jamais ça peut arriver, côté Dallas, qui peuvent être dangereux et faire vraiment une production numérique. Bah la vraie, enfin, la seule et unique vraie menace offensive côté Dallas, c'est leur duo extérieur, hein, c'est tout. Non, mais oui, mais je parle des autres, évidemment. Oui, non, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un step-up. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un step-up. Et ça, d'ailleurs, ça va être une question côté Celtics. À quel point est-ce que tu préfères garder un Luka Doncic qui score de malade, mais les autres, ils font rien ? N'arrivera pas à le défendre de toute manière. Dans tous les cas, tu sais que Luka, il va te foutre 30 points sur la série. Ça, tu le sais. Ça, c'est acté. Et s'il si t'en met pas 30, il sera impliqué, en fait, sur 50 points dans le match, en fait. Oui. Parce que ouais, ce soit en passe oui. d'AS, en... C'est qu'il aura fait 23 passes d'AS. Oui, absolument. Tu sais que Luka Doncic, quoi qu'il arrive, il va te faire mal. Ça, c'est sûr. Mais la question, c'est est-ce que tu préfères que Luka Doncic te cale 50 points dans un match et que les autres, ils tournent que à 5 points ? Ou est-ce que tu préfères tout donner en défense sur Luka Doncic pour le mettre en difficulté, mais du coup, il va trouver les passes à droite, à gauche, justement, pour faire mal ? Bah, moi, à quel point tu préfères défendre la suite ? Est-ce que tu switches à chaque fois pour mettre de la viande sur Luka, le fatiguer ? Ou est-ce que des fois, tu passes derrière l'écran et tu dis, écoute, vas-y, shoot, on verra bien ? Pour moi, la solution à prendre côté Celtics, déjà, consigne défensive, tu switches, surtout. Ouais, moi aussi, je pense que tu switches surtout. Tu switches surtout, parce que c'est la coutume. Aucun mec qui te fait peur. C'est ça, t'as de quoi défendre. Il y a les mecs qui sont en aide, qui seront présents et qui seront assez dissuasifs. Si t'as Jalen Brown sur Doncic, je suis pas inquiet. Si t'as Jason Tatum sur Doncic, je suis pas inquiet. Si t'as Porzingis, je suis un peu inquiet. Mais il est grand, il peut quand même gêner des shoots et tout. Enfin, ouais. Il y a pas de mec sur lequel tu te dis bah ouais Lucas il attaque sur lui tu sais qu'à chaque fois ça rentre bah non là il y a pas de bah si il y a Porzingis quand même ce serait ouais, la ouais mais la, tu le vois plus à la rigueur Doncic lui en met 2-3 sur la gueule à Porzingis tu fais rentrer à Horford et à Horford je pense qu'il pourra davantage défendre sur Doncic que le fait Porzingis je vois par vois. Exemple ouais c'est clair mais du coup pour moi tu dois forcer Lucas et en fait switcher surtout et le forcer à quitter le ballon. Tu le laisses pas prendre feu. Ah ouais, non, bah ouais. Impossible. Bah, il va prendre feu, c'est sûr, mais il faut limiter le truc, quoi. C'est clair. En fait, faut le fatiguer. On a vu que la série contre OKC, ils ont été chercher des matchs parce que Luka, il l'avait dit lui-même, comme quoi il était épuisé parce qu'il fallait faire l'impact, enfin, fallait donner l'apport défensif, il fallait attaquer fort et la défense d'OKC était très bonne, hein, une des meilleures de la ligue. Lugansdorf qui a fait un taf extraordinaire et Luka a eu beaucoup de mal avec ça, en fait, de par sa condition physique parce que c'est pas le plus grand athlète qu'on a vu, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Et je pense qu'il faut le fatiguer de la même manière. T'envoies du Jalen Brown, tu switches tous les mecs, tu envoies de la viande pour le fatiguer. Peut-être qu'au game 1, il va te coûter 50 points, mais arrivé au game 6, ah bah, voir s'il arrive encore à en mettre 30, tu vois. Ouais, je pense que c'est... De toute façon, cette série, elle va durer, je pense. Ah bah, j'espère. De toute façon, tu connais mon amour pour les game 7. Bah vas-y, on va partir sur les pronos dans ce cas. On arrive sur le prono ? Ouais, vas-y, je t'en prie. Eh ben écoute, bah, ce que je viens de dire, tu connais mon amour pour les Game 7, donc moi je veux un Game 7 parce que les plus belles finales, c'est sur des Game 7. Bah bien sûr, bien sûr. Et là, l'affiche, je la trouve vraiment chouette. Et tu sais quoi, je vais donner mon petit quart d'heure de surprise. Moi, je vais miser sur l'Underdogs. Moi, je vais partir sur un 4-3 Dallas. Victoire de Dallas à Boston. Ce serait incroyable. Au TD Garden. Est-ce que quelqu'un est mieux placé que Luka Doncic pour aller chercher un Game 7 au TD Garden en finale NBA? Non. Ouais. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais le TD Garden, ça va être très rigolo, de voir retour de Kyrie Irving. Je pense que ça va siffler, ça va huer, ça va jeter des trucs, ça va être très très très très fun à regarder. Il va y avoir des gestes qui sont peut-être un peu moins drôles, on verra, mais dans tous les cas, il va y avoir une ambiance de malade. Mais on sait qu'il y a certains mecs avec lesquels faut pas trop aller les chercher. Donc attention aussi. T'as pas forcément envie de chauffer Kyrie. Sur un Game 7, tout le public qui va huer Kyrie, attention, parce que Kyrie il peut faire très mal. De ouf, ça peut devenir un Genkidama ce truc. Et ouais, c'est ça. Attention à. Enfin, tu vois, ça c'est le genre de truc où ça peut être un tournant de la série presque. Et ouais, je pense que Luka Doncic simplement il est né pour gagner. Le mec a trop de talent, il est trop fort. Très clairement, honnêtement, je pense que la meilleure équipe c'est Boston parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il coche toutes les cases, il y a trop de menaces offensives, défensives, il y a tout. Mais Luka Doncic est clairement, il est né pour gagner. Il a de l'or dans les mains, ce mec, et j'ai envie de le voir remporter une bague. Et je pense que cette finale face à Boston, s'il la gagne, ce serait absolument incroyable. La legacy de Luka Doncic commence en 2024 selon moi. J'aime bien. Le choix que je voudrais, c'est-à-dire je veux que Dallas gagne. Je veux que Dallas gagne. Mais t'as du mal à les voir passer. Mais en fait, je pense que, comme on l'a dit, en fait, si on résume un peu, bah, en fait, les Celtics sont les cartes en main pour s'imposer. Presque plus que Dallas. Ah bah ouais. Et en fait, s'ils font des finales sérieuses, je vois pas comment ils peuvent la perdre. Donc, mon pronostic serait Boston. Mais je veux que Dallas gagne. Ton pronostic, du coup, c'est quoi? C'est Boston en combien? Boston 4-2. 4-2. Boston 4-2 pronostic. Chercher la victoire à Dallas, du coup, aussi. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on est sur deux équipes qui ça dérange pas du tout d'aller gagner à l'extérieur. Rien à foutre. Non. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Pour les clés du match, bah, évidemment, on vous en a déjà parlé. Moi, ce que j'adorerais surtout, c'est que pendant que Kyrie est au TD Garden et se fasse huer, je porte mon cher maillot All-Star Kyrie Boston de 2000, je sais pas combien, là, 2018, je crois. 18. Donc, s'il peut se faire huer avec le maillot sur le dos, ce serait super drôle. En tout cas, nous, on sera devant, ça, c'est sûr. Bien moi, sûr. Je vais pas rater un match, je vais pas rater une miette. Ce sera beau. Et j'attends de voir ces finales en espérant que ce soit pas des finales un peu à la finale de conf à l'Ouest où du coup on se retrouve avec un 4-0 ou un 4-1. Je pense pas, t'as vraiment des tueurs de chaque côté qui ont envie d'aller chercher cette bague. Ouais, je pense aussi, mais des fois on peut voir une équipe qui se révèle bien supérieure à l'autre dès le début et l'autre arrive pas à se relever. Mais là je pense pas non plus, ouais, je pense que l'affiche est vraiment chouette. Et Luka Doncic, je pense que ça va être un mec dont on va parler encore pendant très longtemps, donc il faut pas rater ces finales. Effectivement. Soyez devant vos écrans. On a fini, mon ami. Une chose est sûre, c'est que Luka Doncic, si c'est pas celle-ci, ce sera. Enfin, il y en aura une autre. Hein. Bon, l'année prochaine. Bah, je sais pas quand, mais il y en aura une autre, ça, tu peux en être certain. Hein. Enfin, c'est. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Ouais, moi, j'ai fini là-dessus. Allez. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission suivant comment les finales se passent. Il y a moyen qu'on fasse des petits débriefs entre temps. Vive le basket, vive la NBA. Bonne finale à tous. Ciao. Ciao tout le monde.